Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 8 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Lucien, ça vient du latin lumière. Lucien est un être attachant par sa grande sensibilité, sa timidité, sa douceur et son émotivité. Il est pourtant difficile à comprendre en raison du 1 karmique. Ces deux tendances en effet s'opposent, l'une le porte à s'affirmer, à rayonner et vise l'autonomie, l'autre à dépendre d'autrui, à se soumettre, à coopérer. Il aura donc des difficultés à harmoniser ces deux tendances et à affirmer sa personnalité. Alors qu'il est habituellement timide, il est capable de passer par des phases de colère ou d'agressivité sous le coup d'une forte émotion ou de sa susceptibilité exacerbée. En fait, Lucien a besoin de rayonner, de diriger, d'être admiré et sera même parfois quelque peu vaniteux, mais il n'y parvient pas toujours, sinon maladroitement, avec trop d'ostentation. Il est vrai cependant que s'il arrive à vivre à la hauteur des vibrations de son maître nombre 11, il verra grand et sera empli de projets plus ou moins difficiles à réaliser. Cela lui conférera un grand ascendant sur les autres. Mais si la vie ne le favorise pas, il recherchera plutôt une certaine sécurité, tant affective que financière, plus dépendant affectivement de son environnement qu'il ne le voudrait. Trois lettres de valeur 3 dans un prénom de 6 lettres lui confèrent un esprit vif, intelligent, curieux, raisonneur, analytique, au point d'être parfois critique et plein d'humour. De plus, c'est un hyper nerveux, impatient, hyper émotif et cyclotimique. Volontaire, il poursuit ses objectifs avec courage, ténacité et obstination. Sa susceptibilité et son amour propre sont développés et le paraître a une place importante dans sa vie, ce qui le force souvent à agir dans un seul sens. Dicton du jour, temps de Saint-Lucien, temps de chien. Eh ben moi, c'est clair et ce dicton est véridique, on le verra tout à l'heure. Dans les célébrations internationales aujourd'hui, eh bien c'est la journée sans pantalon. Alors débrouillez-vous, trouvez quelque chose à mettre. Hein. Mais bon, c'est vrai que cette journée, on n'y fait pas forcément très attention. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 8 janvier en 1959, Charles de Gaulle devenait le premier président de la 5e République française. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec la chanteuse Shirley Bassey, la chanteuse britannique, connue notamment pour avoir interprété plusieurs titres de bande originale de James Bond. Et on va justement écouter, eh bien, c'était le titre sur le James Bond intitulé Goldfinger. On écoute tout de suite. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Golden girl knows when he's kissed her. Eh bien, c'était Shirley Bassey avec donc le titre Goldfinger sur RGM. 8h36, passé tout juste de quelques secondes, on parle anniversaire. Ils sont nés un 8 janvier 1937, naissance de Shirley Bassey, chanteuse britannique. 1946, naissance de Robbie Krieger, musicien américain, guitariste du groupe The Doors, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Voilà pour l'extrait du titre Light My Fire du groupe The Doors. 1951, naissance de John McTiernan, réalisateur américain qui l'on doit Predator, Piège de cristal ou encore Une journée en enfer. 1965, naissance de Michelle Forbes, actrice américaine vue dans Hunger Games, La Révolte partie 2, dans le rôle du lieutenant Jackson, dans la série Star Trek, La Nouvelle Génération, dans le rôle de Dara, dans la série 24, dans le rôle de Lynn Kresge, Prison Break, dans le rôle de Samantha Brinker, True Blood dans le rôle de Marianne Forrester ou encore Chicago Fire. C'est également l'année de naissance de Pascal Obispo, chanteur français. 1967, naissance de R. Kelly, chanteur américain. 1981, naissance de Geneviève Cortez, actrice américaine connue pour son rôle de Chris Furio Davis dans la série Wildfire et son rôle de Ruby dans la série Supernatural. 1986, naissance de David Silva, footballeur espagnol qui de 2004 à 2010 a joué à Valence, mais pendant les saisons 2004-2005, il a été prêté au club de Eibar et de 2005 à 2006, prêté au club du Celta Vigo et depuis 2010, il joue à Manchester City. 1990, naissance de Claudine Mendy, handballeuse française qui depuis 2014 joue pour le club de Metz. Et à noter qu'avec l'équipe de France, elle est médaillée d'argent au championnat du monde 2009 ainsi que au championnat du monde 2011. En 1642, décédé Galilée, mathématicien et astronome pisan. En 2005, est décédée Jacqueline Joubert, commentatrice de télévision française, connue pour avoir été une speakerine et une présentatrice télé de 1945 à 1965. Et en 2009, décédé Don Galloway, acteur américain, connu pour son rôle du sergent Ed Brown dans la série télé L'Homme de Fer. Allez, tout de suite, pause musicale avec le tout dernier titre de Pascal Obispo, intitulé « Rien ne dure ». Rien ne dure 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser. Combien de temps d'amour à partager. Rien ne dure. Des passions, des secrets. Ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps de freiner. Que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure. Beauté, gloire, apogée. Dans cette course effrénée. Et ce peu qu'il reste à partager. Avant la vie d'après, pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner quand la Porsche de fidélité, douceur, finissent par une lame dans le cœur. Liberté, censure, dictature opprimée, aucune guerre mondiale, ni protocole de paix. En cendres retombées, et la Porsche de James Dean s'envole en fumée. L'Éden, l'enfance qu'on se traîne, Freddy, Johnny, Cobain, même si ça te fait de la peine, en attendant que la lumière s'éteigne, idole, musée, musée, les bolides en acier, c'est juste pour patienter et pour faire des cris. Quand la Porsche de James Dean s'envole en fumée, s'envole en fumée. Oh. Rien ne dure. Les chanteurs, leurs blessures. Eh bien, il est pas mal, hein, ce dernier Pascal Obispo avec le titre « Rien ne dure » sur le 107FM. Il est un peu plus de 8h43 et on parle météo. La météo. Alors, le dicton tout à l'heure nous disait à la Saint-Lucien, tant de chiens, eh bien, ce sera véridique aujourd'hui parce qu'on va passer la journée sous la pluie qui va même se transformer en neige en fin d'après-midi. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 3 et 5 degrés pour cet après-midi avant que les températures ne continuent donc à diminuer hein, pour que la pluie se transforme en neige. Et pour mercredi, on aura droit à des averses de neige, plus ou moins fournies hein, par endroit, des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 1 et 2 degrés prévus pour demain après-midi, et jeudi ce sera principalement des nuages avec des températures négatives le matin, elles seront comprises entre moins 2 et moins 1 degré, et pour jeudi après-midi, eh bien, ce sera tout juste positif, hein, ce sera entre moins 1 et 0 degré. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actu sportive. On commence avec le basket et le résultat de la National 1 où le Jet Vosges commence bien l'année en s'imposant à Saint-Vallier sur le score de 70 à 77. Du côté de la NBA, ce n'était pas forcément une soirée pour nos Français. Rudy Gobert avec l'Utah Jazz s'est incliné face à Milwaukee 114 à 102 malgré les 14 points et les 15 rebonds du Français. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 15 points s'est inclinée face à Sacramento 111 à 95. Et l'équipe de Boston de Yabusele s'est imposée hein, 116 à 95 face à Brooklyn. Aucun point pour le Français, il a seulement 4 minutes de temps de jeu. Un mot de tennis avec tout d'abord le tournoi d'Auckland où hier on a appris le forfait de Gaël Monfils touché au quadriceps. Et il y a quelques instants, le Français Humbert s'est qualifié en 2-7 face à Cuevas 7-5 6-1. À Sydney, élimination de Lucas Pouille face à Rublev 6-2 6-3. Élimination l'élimination de Jérémy Chardy face à Sepi en 3-7, 7-5, 2-6 et 6-4. Et au bar, un petit peu plus tôt dans la matinée, Alizé Cornet s'est imposée face à Bay 6-4, 6-2. Et au programme d'aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Kenin. Un mot de handball, messieurs, avec un match amical entre la France et la Slovénie hier soir, remporté par les Français 29-21. À noter le 100e but de Luka Karabatic avec les Bleus qui sont en pleine forme avant le début de la grande compétition qui les attend. Le début pour l'équipe de France, ce sera dès ce vendredi. Ça approche à grands pas. Un mot de football maintenant avec le tirage au sort de la Coupe de France. Metz se déplacera à Monaco. Nancy recevra Guingamp. Et pour l'instant, il y a trois affiches opposant des clubs de Ligue 1. Amiens opposé à Lyon, Toulouse, Reims et Saint-Étienne, Dijon. Et il pourrait y avoir le Paris Saint-Germain opposé à Strasbourg ou alors ce sera face à Grenoble. Quart de finale de la Coupe de la Ligue ce soir, Lyon affronte Strasbourg. Et en Ligue 1, Nantes reçoit Montpellier et Amiens reçoit Angers. Un mot de hockey sur glace avec le Mondial U18 féminin où la France s'est imposée hier 3-0 face à la Grande-Bretagne. Deux matchs, deux victoires pour l'équipe de France qui sont donc premières de leur groupe. Prochain match pour les Bleuettes, ce sera mercredi contre la Pologne. Et un mot de biathlon, ça va être le retour de la Coupe du Monde dès jeudi après-midi. Et on fait un point sur l'effectif de l'équipe de France. Côté masculin, c'est le retour en Coupe du Monde de Simon Fourcade, le frère aîné de Martin Fourcade, fait son retour en Coupe du Monde. Il n'avait pas évolué en Coupe du Monde depuis le mois de mars dernier. Il remplace ainsi donc Aristide Begg. Et côté féminin, ce sera les débuts de Caroline Colombo qui remplace Enora Latuyère. Donc je vous le disais, la Coupe du Monde, ce sera donc à Oberhof à partir de jeudi et on commencera avec le sprint féminin. Vendredi, ce sera le sprint messieurs. Samedi, nous aurons les poursuites. Et dimanche, ce seront les relais. Voilà pour l'actu. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec R. Kelly et le titre « I Believe I Can Fly ». I know it's